Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous demandons aux frères et aux sœurs qui nous suivent en ligne. Tunalomba kwa banduku na badada wale wanatufuata mjia internet. Comme aujourd'hui, cette semaine, nous aurons des interprètes. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'audition ou dans le son, priez nous faire signe pour qu'on arrange cela. Le frère Intelligence Mwepu est ici. C'est comme je dis à l'église. Le frère prêche en Kiluba. Il est interprété en Swahili. Il est interprété en français pour les frères qui nous suivent de loin en ligne. L'église de Kambov était dans la joie de saluer et de recevoir le frère Intelligence au nom de Jésus-Christ. Sentez-vous chez vous. Merci. Approchez. Nous changeons de dire amen avant que les frères n'interprètent. Sinon, vous allez embrouiller ceux qui n'écoutent pas les kilos. Soyez patients. Nous voulons que nous tous nous écoutons ensemble la parole. Namindi na sangaji mukuntambula komantambula. Je suis aussi rempli de joie de la façon dont vous avez réussi. Que Dieu vous bénisse richement. Kadindina sanga jimonka. Nikutena nafura. Je suis encore rempli de joie. Kunsanga jiyomu dinai. Kuile fura mukunayo. La joie que vous avez aussi. Wanda njuki lemba muyuki lekyo muitabije. Jumina yo asema munajua kile munaamini. Je sais que vous savez ce que vous avez cru. Mwanda kwa kukuimba kwa muimba. Juku namna ile mkunaimba. La façon dont vous chantez. Ni kwa tumbo. Ni kuimba kwa sifa kwa utukufu. Chantez avec joie. Ya ile kazi ilifanyika ku Golgotha. Pour cette œuvre qui s'est accomplie au bois du calvaire. Muyo ya vita ya di ya lunga kilo wo. Mwile vita lifanika kwa ole mshuja. Ula gye ki se pase pou se. Njo inye tu kuna imbia. Se pou se la ke nou chanton. Tuta simama wima. Nous allons nous lever. Tutasoma mukiluba na mukifransa. Nous allons lire en kiluba et en français. Français. Tutasoma muyuda. Nous allons lire en jude. Jude. Mustari ya tano na ya sita. Les versets 5 et 6. Nous allons lire. Tutasoma. Basi mimi napenda kumikumbusha. Je voulais vous rappeler. Ata vile munesha kujua maneno yote haya. Comme vous le savez déjà. Ya kwamba Bwana pakokoa watu toka nchi ya Misri. Le Seigneur avant de sauver les gens dans en Israël. Hariaribu wale walikataa kuamini. Il a détruit ceux qui n'ont pas voulu croire. Bale ba malaika ba kuchunge fazi yabo. Bale ba liacha makao fazi yabo. Ari ba chunga mkuto kujua jua kuchunga hukumu mkubwa. Seigneur Jésus venez. Kuja kwa watoto yako tunakusubiri. Viens auprès des enfants nous t'attendons. Parce que c'est dans cette maison que tu retournes. Viens délivrer ceux qui sont liés. Viens guérir les malades. Viens nous donner des solutions à nos problèmes. Je crois que tu le feras. Toi-même, viens descendre pour parler. Moi et l'interprète, donne-nous la capacité du ciel pour que tes enfants puissent t'écouter, toi, Dieu. Nous croyons que tu le feras. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Notre sujet de la prédication. Manafsi yenye kupatikana mugereza kufika na hapa sasa. Manake manafsi yenye kupatikana mukifungo. Manafsi yenye kupatikana mukifungo na hapa sasa. Ni yulu ya ishina tutasemea leo. Bwana Mungu amebariki sana. Kwani hapa tunekala. Huku manjia mbili le bantu wanapashi kuchakula. Lakini shiba nye kuikala hapa. Njia yetu ni ya kunyoloka. Muji yetu wanaisha kututayarishi yayo. Ni kama tuwemo unakatala kwenda. Huku njia kwenda shetani na kundi yake. Ile aina njia yetu sisi. Bwana Mungu amebariki. Je commande à mbele et mangaribi ya leo. Pourquoi je me tiens devant Dieu vous ce soir? Parce que pour vous prévenir, pour vous avertir. Tena wakati. Parce que nous n'avons plus de temps. Bwana Yesu yuko nakuja sasa hivi. Jésus-Christ revient bientôt. Hakuna tena wakati ya kucheza na imani. Plus de temps pour jouer avec la foi. Hata mtu akupepushe kupeleka pembeni. Que quelqu'un puisse t'épargner. Ukile wewe uliamini. Comme toi tu l'avais cru. Ni wakati ya kuangalishisha mzuri. C'est le temps de vérifier, d'examiner toutes choses. Parce que nous avons deux choses. Kama ina lufu, soit là. Manake ni kunyanyuliwa. Soit là, l'enlèvement. Sasa kile uliamini. Maintenant, c'est que toi tu as cru. Kama Bwana akirudi. Si Jésus revient. Et tu utaenda. Est-ce que tu vas partir? Bwana Mungu amebariki. Le Seigneur bénisse. Tulikuja jua kukalamushana. Nous sommes venus ici pour nous avertir. Hata vile munaisha kuijua. Comme vous le savez déjà. Juu safari ni safari ile rienda Israeli kutoka Misri. Parce que c'est cette marche qui a emprunté les enfants d'Israël. Na kwenda kufika Kanana. Jusqu'à Cana. Ba mingi bari kufa mu njia. Beaucoup de gens sont restés en cours de route. Urko bale bari kwa na mioyo migumu. Il y avait ceux qui avaient le cœur endurci. Na basipo kutii. Et ceux qui n'étaient pas obéissants. Na bakunungunika kusema sema. Ils étaient entre la tristesse de murmurer. Hii haina tabia ya watoto ya Mungu. Ça c'est pas le comportement des enfants. Bita kupoteza. Ça va vous perdre. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui pour que nous puissions nous avertir. Parce que les enfants d'Israël et aussi on les avait avertis. Lui aussi l'avait adoré. Ils sont sortis et partir. Nous lisons dans Exode 2 29 jusqu'à 31. C'est la prédication que Paul aussi a répété. Il croyait aussi à la parole de Dieu. Moïse était là comme prophète. Avec tous les signes de prodige. Lui qui faisait des miracles à Moïse, c'était Dieu. Amina. Juma miujiza yote. Le miracle. Mbele ya nabi. Devant un prophète. Ni Mungu njoko na itenda. C'est Dieu qui le produit. Joko mana nabi yote. C'est pourquoi tout prophète. Aina baba nabi ba bongo ba kuma radio. C'est le prophète que nous voyons. Nabi yote mwenye kutumwa na Mungu. Tout prophète envoyé par Dieu. Ewa nasema ukweli ya Mungu. Il parle la vérité de Dieu. Ile ukweli wakati ikifika. Et quand la vérité arrive. Ule nabii atatambulikana ya kwamba kweli kweli ni Mungu alimtuma. Ce prophète va se manifester véritablement que Dieu c'est Dieu qui lui avait envoyé. Amina. Joel tu kuna soma mu Yeremia 28 mstari ya 9. Tutaisoma. Nabii yako anasema maajabu. C'est un prophète qui parle. Kama ile maajabu ikifika, si ces miracles arrivent, kama ni ya kweli binatimilika, si réellement ça s'accomplit, ule nabii atajulikana ya kwamba kweli kweli ni Mungu alimtuma. Tutaisoma. Mstari ya 9. Verset 9. Sura 28. Nabii yako natabiri maajabu. Un prophète qui prophétise. Neno ya nabii wakati itatimilika. Lorsque la parole d'un prophète s'accomplit. Pale njoo tajulikana ya kwamba huyu nabii ni Yehova ndio alimtuma kweli kweli. C'est l'Éternel qui lui a envoyé véritablement. Amina. Sisi nasi. Nous aussi. Tulipokea nabii wa kweli. Nous avons reçu un vrai prophète. Kubile vyote bilitoka mukinyo yake kupitia Mungu. Qui est sorti de sa bouche. Vyote biku natimilika. Ça s'est accompli. Namuna kani utalala. Comment est-ce que nous allons dormir? Namuna kani utalengama. Comment est-ce que nous serons distraits? Bwana Mungu amibariki. Le Seigneur bénisse. Vyote biku natimilika. C'est arrivé, ça s'accomplit. Sasa unajua juu ya nini Israel alikufa? Pourquoi Israël est resté en coma? Juu ashikudumu muile habari bali mpatia. C'est parce qu'il n'a pas persévéré dans la prophétie qu'on lui avait donnée. Ujumbe ilisemewa. Le message a été donné. Alakini Israël a sikudumu. Israël n'a pas persévéré. Nukta makumi tatu na moja. Paragraphe 31. Ya shina maubiri nyetu na ubiri. Sur la prédication que nous parlons. Kwanza alibaokoa. Na bokubatosha inje ya Misri. Kisha alibaharibu. Jua wakudumu mujumbe yake. Amina. Huyu Mungu wetu ule tunamini, sisi tunamjua. Na ile kazi alitutumikia tunaijua. C'est lui qui a accompli pour nous, nous connaissons. Juu tunamini ni mutakatifu. Parce que nous croyons qu'il est saint. Kila alikufa ni kwa ajili ya zambi zetu. Et mort, c'est pour nos péchés. Sasa tutafanya je bila nisha tufia kuhusu ile zambi. Qu'est-ce que nous faire parce que lui il est jamais. Et tu patikane tena kwa ba mwizi? Et que nous pouvons apparaître encore comme des voleurs? Et tu patikane tena wa sherati? Que nous puissions apparaître comme des prostituées? Tu patikane tena wenye kuchonganisha? Que nous puissions apparaître comme les calomniateurs? Jumbe ikukuie ile hapana. Ce message n'est pas venu pour ça. Et tu kukute tena kufanya makanisa? Que nous trouvons encore en train de faire des églises? Makanisa? Diviser les églises? Ba kore ba patikane tena hapa? Que les Corées puissent et d'attendre puissent se retrouver encore? Que le Seigneur bénisse. Ce message est venu pour nous préparer. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. L'église, nous allons partir avec ça où? Nous croyons, nous connaissons celui qui nous a appelé, il est saint. Et ce que nous sommes, il a accompli cette œuvre au bois de calvaire pour que le vol puisse rester à la croix. L'envie des femmes est restée à la croix. L'envie d'argent de diviser les églises était restée à la croix. Amen. Amen. Amen. Nous le connaissons. Et cette œuvre l'a accompli, nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous chantons. C'est pourquoi vous chantez. Vous chantez, c'est parce qu'il a accompli la guerre avec le diable. Il a été vainqueur. C'est pourquoi vous apparaissez là, étant ici. Amen. Si il y a un endroit où on prêche la vérité, c'est ici. Dans toute la cité de Kambo, c'est ici où on prêche la vérité. C'est ici. C'est pourquoi vous allez pousser beaucoup de cris. Parce que notre vie est conforme aux Écritures. Que le Seigneur bénisse. Néanmoins, si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, toutes ces choses, on peut vous imiter. Parce que quoi que c'est vous qui avez la vérité. Le monde entier sache que c'est vous qui avez les dieux vivants. Beaucoup de choses, ils vous imitent. Comment ils sont en train de s'imiter? Peut-être vous ne le savez pas. Il n'y a pas d'Égypte catholique. Il n'y a que d'Égypte tabernacle. Pardon? Il n'y a pas de tressage gargaz. Mais il n'y a que des tresses tabernacles. Il n'y a que de riches tabernacles. Maintenant, ils doivent imiter même votre vie maintenant. Pour que cette cité puisse bouger. Que le Seigneur bénisse. C'est pour cela qu'on a envoyé ces messages. Ces messages sont venus pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Nous, nous sommes le pèlerin. Nous devons être enlevés. Nous sommes destinés à l'enlèvement. Que nous puissions voir le Saint-Esprit. Maintenant, si toi tu restes, qu'est-ce que tu feras? Tu iras où? Si tu restais, que le Seigneur Dieu bénisse. Ce soir, vous devez savoir que le Seigneur Jésus revient. Et s'il rentre, avec ta vie là, est-ce que tu iras? Il y a d'autres qui ont écouté les messages pendant longtemps et ils sont en train de se moquer maintenant. Ils étaient en train de se moquer, ils pensaient que quand la guerre s'élève, non, pas encore. La guerre a déjà commencé. Ça ne va pas s'arrêter. Ça a déjà commencé tout doucement. C'est le temps pour nous de nous préparer. Préparez-vous, enfants de Dieu. Si ça arrivait, tu seras quel genre d'homme? Si ça vous trouve, préparez votre vie. Préparez votre vie. Si aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ rentrait, est-ce que tu iras? Si ça fait le montagne dévoilé, où est-ce que tu vas te cacher? Que le Seigneur bénisse richement. Paragraphe 260 dans la prédication. Un jour, vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est juste. Avez-vous entendu ce que je dis, mon frère et ma soeur? Franchirez cette limite. Et vous n'aurez jamais le désir de faire ce qui existe. Vous continuerez à entendre l'évangile. C'est simple. La kine. Vous n'accepterez plus jamais. Et vous ne pouvez pas l'accepter. Malgré tout, l'évangile sera prêché. Vous condamnez à ceux qui sont perdus pour l'éternité. Vous ne pouvez plus être sauvé. Vous en êtes déjà à ce point. Mais vous ne savez pas. pensez vouloir vivre dans les désirs, mais vous êtes mort. Quoique vous êtes vivant, quand tu penses que tu es vivant, vous pensez que vous avez déjà cru, mais tu es déjà mort il y a longtemps, tu es dehors. Safari, parce que cette marche, vous allez recevoir le Saint-Esprit kwa Mungu, parce que tu n'es pas encore né de Dieu. Inje, tu es encore dehors, tu es encore du monde. Tous ceux qui ont rejeté le message de l'air, devant les jugements, l'évangile a été prêché ou condamné premièrement, avant qu'il s'en aille privé de la grâce. Amen. Le prophète est venu. Il a donné le message venant de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de mensonges. On prend le message, on a jeté ça au loin. Les tonnerres sont levés. Ils ont refusé le message. Laissez tonnerre. Laissez tonnerre. Banesha balula muzuri kusaba. On a déjà bien compté ces sept. Tangi alianza aina bia bongo. Depuis qu'il a commencé, ce sont des mensonges. Bafungule kwa tamoya. Tu peux nous révéler même une chose, un saut. Il y a rien. Oh, je sens sécher. Ce sont des mépris. Le sang coule encore jusqu'à ce soir. Amen. C'est ce qui nous sauve jusqu'à ce soir. Comment est-ce que le sang est séché? Où est-ce que le sang de Jésus a été séché? Ça, ce sont des mépris. Ce sont des mépris. Branham est un Dieu. Oh, Branham est Dieu. Quel Dieu. Un homme sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Ouais, comment est-ce que la séduction est grande? Ça lue beaucoup de gens pour aller en enfer. Le message est prêché, mais ils ont déjà franchi la limite. Amen. Ils ont divisé les églises. Ils sont en train de construire des églises. Et aller écrire des noms. Les choses qui étaient avec les dénominations nationales. Oh, le dimanche. Aujourd'hui, c'est arrivé même dans le message. Beaucoup répondront. Et pensent qu'ils sont des gens. Beaucoup de gens seront condamnés. Le message n'est pas venu pour ça. Le message est venu pour ceux qui sont dans l'obscurité, pour quitter, pour recevoir le Saint-Esprit et aller dans l'enlèvement. Nous avons besoin d'aller au ciel. Diviser les églises. Tu sais seulement prêcher. Tu passes seulement en français. Et c'est fini, tu es devenu aussi pasteur. Les enfants de Dieu, sachez que ce n'est pas l'œuvre à jouer avec. C'est une œuvre grande. Là où vous êtes assis, là, ce n'est pas facile. C'est tellement difficile. Si Dieu ne vous a pas appelé, tu vas te faire roi. Tu vas abandonner la foi. Si tu ne travailles pas correctement, que tu puisses accepter de laisser seulement cette église pendant une semaine, tu vas maigrir. Que le Seigneur bénisse. Le message est arrivé dans chaque maison. Il y a même 1000 tabernacles dans une cité. Ne nous ouvre pas la porte. Si on t'appelle frère, me dit comment est-ce que je suis ton frère. Lui croit les tonnerres révélés. Ils sont, les tonnerres sont révélés. Et il ne connaît pas. Il est ton frère en quoi? Oh, les sangs séchés. Il est ton frère en quoi? Amen. C'est pour cela qu'Israël s'est perdu. Si vous lisez Nombre 17 et 18, Dieu dit à Moïse que ils sont des menteurs. Et ces mensonges qui a dit à Balaam que vous êtes mes frères, les a menti que vous êtes des frères, qu'on puisse vous tuer spirituellement. Ton frère, c'est celui que vous croyez avec le même message. Là-bas, il n'y a pas la vérité. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Il n'est pas le Dieu de menteur. Le mensonge, c'est pour le diable. C'est pourquoi on a préparé pour lui l'enfer. Nous sommes en voyage pour le paradis. Le chemin qui descend, c'est pour les enfants de Caïn. C'est pour les enfants de Corée. C'est pour aller vers Balaam. Ce n'est pas pour nous. Nous allons au repos dans le paradis. Dieu est allé nous préparer une place. Tel que vous êtes assis là, chacun a sa maison. Mon frère, tu ne peux pas manquer dans cette cité. Celui qui est allé préparer, c'est Dieu. Dans cette semaine, tu vas te voir. Tu marches, tu te vois toi-même. Le jour de traverser la mort, tu verras là où ceux qui sont sauvés, ils viendront t'accueillir, ils viendront vous accueillir, ils viendront te rencontrer. Le Dieu que nous croyons, il est vivant. Amen. Persévérez. Ne reculez pas, ne rétrogradez pas. Soyez toujours des représentants de Jésus-Christ à chaque fois, jusqu'à la mort. Même si tu tombes malade, tu peux mourir. Lui, il est mort pour toi à la croix. Allez chez les défunts parce que tu es malade. Ah, vous ne comprenez pas. Viens seulement ici devant les hôtels. Viens t'agenouiller ici devant. Je vais vous rappeler encore. Dans la maison de Dieu, si tu étais malade, commence d'abord à te peser. La façon dont tu es entré, et tu vas voir de la façon dont tu vas quitter ici. Examine-toi en commençant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Voyons si Dieu ne va pas vous guérir. Ce n'est à moi que tu sois distrait, mais lui, il va te guérir. Tu vas penser que c'est les médicaments que tu as bu. Ici, il y a la guérison parfaite. Amen. Ici, il y a la guérison parfaite. Même si tu as besoin de tes enfants, il y a plein d'enfants ici. Tu as besoin de combien d'enfants? Tu as besoin de combien d'enfants? Il a dit, si vous gardez mes commandements, tu ne seras jamais stérile. Si tu gardes la parole de Dieu, la famine va quitter. Si vous gardez la parole de Dieu, la maladie va quitter. Ils vont te faire la guerre, mais Dieu sera vainqueur. Dieu sera toujours vainqueur, il va les exterminer. Parce qu'il y a un ange qui te garde partout. Amen. Si un ministre de la terre, c'est nous. S'il y a des représentants de la loi, et c'est eux, c'est vous le représentant de Dieu. C'est vous le représentant de Dieu. Si on ouvrait ses mains les yeux là où tu es assise, tu vas adorer Dieu. Amen. Amen. Amen. Quand tu marches en cours de route, si tu te trouves avec quelqu'un qui connaît pour te garder, pour te garder, pour te garder, pour te garder pour. Sache qu'autour de toi, il y a aussi les gens qui te gardent. On continue. Noé avait fermé la porte. Noé. Il y a un ushuda. Mungu alifunga mlango. Kisha kipande yake ya tatu. Kisha kipande ya tatu ya Sodom. Milango ilifungwa. Hakukwete na neema. Et il ne se trouve point de juste. Et les personnes qui pouvaient se sauver entendirent la prédication. Cela a toujours été pareil dans chaque âge. Chaque âge a rejeté le message avant le jugement. Et ils n'ont pas fait de nouveau. Y a-t-il pas l'apparition du colon de feu au bord de la rivière? Y a-t-il pas ce message qui réprimande les femmes, qui révèle chaque chose à sa place, qui reprend les prédicateurs, qui entre dans les dominations, qui entre? Au lieu de rester avec la parole, lorsque Dieu a confirmé pleinement que c'est lui, non pas un pauvre homme ignorant, c'est Dieu. Ne sommes-nous pas arrivés à ce point? Amen. Amen. Ces gens ici, ils ne peuvent pas écouter pour entrer dans la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'ils sont en train de tromper les gens? Avec la loi. Parce que ce message a la puissance. Même lorsqu'ils sont en train de baptiser les gens, dans leur mensonge, ils sont en train de baptiser les gens. Amen. Parce que l'église commence avec la parole de Dieu. Ça ne commence pas avec les mensonges. Que le Seigneur bénisse. On continue. La grâce leur avait été envoyée par le moyen d'un prophète. Mais il ne voulut pas les croire. Dieu avait eu pitié d'eux. Il avait envoyé la grâce. Mais il ne voulut pas la recevoir. Dieu envoie toujours la grâce premièrement. Que se serait-il passé s'il avait reconnu que ceci était le signe de la fin du temps? De la même façon que vous voyez que la chose s'accomplit, si vous voyez ce monde ici, Il y a personne qui accordera la paix dans ce monde. Ce monde est ivre. Celui qui verra, qui cherchera à arranger ça, ça va lui coincer, ça va lui tuer. Soyez prêts en tout temps. Ne soyez jamais distraits. Il n'y a personne qui peut arranger ce monde. Celui qui cherchera à arranger ce monde va le couvrir. Amen. Nous devons nous préparer tel que nous sommes en cours en vie, à pleine force. Partout, sachez que le Seigneur revient. Si c'est en brousse où tu es en train de cultiver, sachez que le Seigneur Jésus-Christ revient. Même quand nous construisons, sachez que le Seigneur Jésus-Christ revient. Tout ce que tu fais, tu dois savoir que le Seigneur revient. On continue. Considérez ceci. Quand Jésus fit cette déclaration, le compte continuera comme tous les jours. Le compte continuera normalement. Pourquoi? Parce que ne connaissez pas c'était quelle heure. Amen. Amen. Ce monde est ivre, ils ont déjà oublié. Vous, vous n'êtes pas comme les restes du monde. Vous avez tous les signes. Comment est-ce que vous allez dormir? Veillez avec la prière. Veillez avec la parole de Dieu. Ne vous arrêtez pas. Israël s'est arrêté. C'est pour cela que Pharaon les a atteints. C'est pourquoi le pharaon allait les arrêter. D'abord c'était la mer Rouge, puis la montagne, de l'autre côté la montagne. Israël était coincé. Toute chose peut vous empêcher. C'est les démons qui vous atteignent. Que tu puisses tomber à genoux devant Dieu et pleurer. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Oh, je ne viens pas à l'église parce que les enfants étaient très malades. Là, tu ne crois pas. Tu n'as pas encore cru. C'est pour cela que tu pars encore consulter les devins. C'est à toi que je parle. Ma soeur, c'est à toi que je parle. Oh, le prédicateur que vous voyez sont les devins. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme roi. Croyez que tel que vous êtes là, il est là vivant. Il est ici. Sans payer. Il ne peut rien payer. Viens tout simplement. Viens lui dire. Voyons voir s'il ne va pas répondre. Allez vous consulter, Seigneur, le groupe de prière des devins. Lui qu'on puisse vous dire la parole de Dieu, tu te mets à genoux devant et tu ne connais rien. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas ce que tu dis. Peut-être que ce sont des frères qui savent si je vais mourir ici, je vais ressusciter ici. Ils sont tièdes. Si nous nous retrouvons avec toi, tu es frère. Si tu te sépares avec nous, tu deviens totalement païen. Attends, tu vas mourir. Tu vas mourir un jour. On avait un frère qu'on faisait confiance. Dieu lui avait fait honte. Un jour, il y avait la pluie. Il est allé cultiver. Il était ivre du champ. Il est tombé dans l'eau et il est décédé en cours de route. Il n'est pas mort dans une maison pour qu'on puisse l'enterrer. Il est mort en cours de route pour que le gouvernement puisse faire constant. Ça vous arrivera aussi parce que tu es hypocrite. Tu pars dans le monde, tu deviens mondain. Il a fait deux jours. Le frère a gonflé, son corps était tout gonflé. Maintenant, il fallait la police lui faire les constats. Maintenant, on nous a appelé pour enterrer les frères. C'est moi qui étais parti enterrer ces frères-là. Et la police a fait ses constats. Et ils ont terminé. Et après, on a pourdit la main dans ses poches, on trouvait des chambres, tout un tas de chambres dans ses poches. Maintenant, je voulais intervenir. Il venait de croire, à peine. Je vous dis, la mienne est quoi, mais tu viens ici, attends, tu vas mourir avec honte. C'est toi qui vas te perdre. Ce n'est pas nous. Amen. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi tu dois préparer ta vie. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Viens nous dire pourquoi tu demandes pardon. C'est toi-même qui auras honte, tu mourras seul. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, c'est bien de naître de nouveau. Recevoir le Saint-Esprit. Là, vous allez décharger un peu ceux qui sont en train de vous. Si vous êtes l'enfant de Dieu, lorsque vous allez arriver auprès de vous, celui qui sait qu'il connaît sa faute, l'autre aussi connaît sa faute. Il n'y aura pas de problème de discuter. Oh, en 2100, oh, en 2100, oh, en 2060. Comment est-ce que toi tu as cru? Tu le même problème à chaque fois. Que le Seigneur bénisse. Si vous avez le Saint-Esprit, vous tous enfants de Dieu, lorsque vous arrivez devant vos conducteurs, ces problèmes n'aura pas prendre beaucoup de temps. Amen. Amen. Il n'a pas su pour qui arôme tacatif. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas su vous aller qu'à Marie-Apile. Naître de nouveau, mon frère. Voilà mon ami Bariki. Naïne, Dieu est tout, on a weka ya kwanza. On met ses mains, le fondement. Tuna indele. On continue. Avant à tambour, quand même, jamais reconnu leur signe. L'autre le savait réellement. Il savait qu'il était là. Certainement. Il était comme aujourd'hui. Il était pareil. La colère de Dieu est en train de s'enviner. Le bombe atomique est prêt à tomber. C'est pareil. Amen. Amen. Ne dormez pas. C'est déjà commencé. C'est comme si ils se mettent d'accord. C'est faux. Pole. Tout doucement. Les chrétiens, nous devons nous préparer parce que nous avons des signes. Nous, on ne marche pas dans l'obscurité. On nous a déjà tout dit clairement. Parce que nous savons que nous sommes arrivés à la fin. On ne marche pas ensemble avec le païen. Vous devez leur dire. ndugu na dada unapaswa ufanye nguvu kwa kwa sala moyo ule ukalamusha. Amen. Relever même une telle personne. Oui, mais si vous faites un goût, vous voulez t'attendre tout le monde. Et si efforcez-vous pour inviter même cette personne. Attaquez-moi, les chefs de district, vous voulez. Même si. Amen. Vous voulez t'assiquer. Amenez-lui qu'il puisse écouter la parole de Dieu. Voilà, mon Seigneur vous bénisse.